Sylvinet revint se pendre aux jupons de sa mère comme un petit enfant et ne la quitta point de la journée. Le soir, il alla à la priche avec son père, qui voulut l'accompagner. Sylvinet était comme fou d'aller embrasser son Besson. Il n'avait pas pu souper, tant il avait hâte de partir. Sylvinet trouva l'André à table, buvant et mangeant, comme s'il eût été toute sa vie avec la famille Caillot. Aussitôt que l'André le vit entrer, pourtant, le cœur lui sauta de joie. Et s'il ne se fût pas contenu, il aurait fait tomber la table et le banc pour l'embrasser plus vite. Mais elle n'osa, parce que ses maîtres le regardaient curieusement, se faisant un amusement de voir, dans cette amitié, une chose nouvelle et un phénomène de nature, comme disait le maître d'école de l'endroit. Aussi, quand Sylvinet vint se jeter sur lui, l'embrasser tout en pleurant et se serrer contre lui comme un oiseau se poud dans le nid contre son frère pour se réchauffer, Landry fut fâché à cause des autres, tandis qu'il ne pouvait pourtant pas s'empêcher d'être content pour son compte. Mais il voulait avoir l'air plus raisonnable que son frère. Il lui fit de temps en temps signe de s'observer, ce qui étonna et fâcha grandement Sylvinet. Là-dessus, le père Barbeau s'étant mis à causer, les deux Bessons sortirent ensemble, Landry voulant bien aimer et caresser son frère, comme en secret. Sylvinet, quoiqu'il fût étonné de l'air tranquille dont son frère l'avait abordé, n'en songea pourtant pas à lui en faire reproche, tant il était content de se trouver avec lui. Le lendemain, Landry, sentant qu'il s'appartenait, parce que le père Caillot lui avait donné licence de faire ce qu'il voulait, partit si grand matin qu'il pensa surprendre son frère au lit. Mais, malgré que Sylvinet fut le plus dormeur des deux, il s'éveilla dans le moment que Landry passait la barrière du verger, et s'en courut nu-pied, comme si quelque chose lui eût dit que son Besson approchait de lui. Ce fut pour Landry une journée de parfait contentement. Il avait du plaisir à revoir sa famille et sa maison, depuis qu'il savait qu'il n'y reviendrait pas tous les jours, et que ce serait pour lui comme une récompense. Sylvinet oublia toute sa peine jusqu'à la moitié du jour. Au déjeuner, il s'était dit qu'il dînerait avec son frère. Mais quand le dîner fut fini, il pensa que le souper serait le dernier repas. Il commença d'être inquiet et mal à son aise. Il soignait et câlinait son Besson à plein cœur, lui donnant ce qu'il y avait de meilleur à manger, le croûton de son pain et le cœur de sa salade. Et puis, il s'inquiétait de son habillement, de sa chaussure, comme s'il eût dû s'en aller bien loin, et comme s'il était bien à plaindre, sans se douter qu'il était lui-même le plus à plaindre des deux, parce qu'il était le plus affligé.